LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors déjà, je veux vous féliciter d'être venu à ce cours, parce que vous êtes pas nombreux, donc voilà, j'en reconnais certains que j'ai déjà eu en cours, donc je suis contente de voir que vous continuez de vous intéresser à la philosophie de la génétique. Alors en réalité, j'aurais pas besoin immédiatement du diaporama. Je le mets pour pouvoir vous passer un petit extrait. Alors, je me connecte pour que ça marche. Dans un avenir pas si lointain, notre ADN déterminera notre vie. Une infime goutte de sang, un peu de salive, un simple cheveu définiront où vous pouvez travailler, qui vous devez épouser, ce que vous serez capable. Que j'arrive à les mettre. Épigénétique, quand l'ADN fait son intéressant. Alors ça y est, je suis prête, on commence. Mais quand une seule cellule de n'importe quelle partie de votre corps peut vous trahir, comment se cacher? Alors que nous perdons 500 millions de cellules par jour. Change ton destin. Ethan Hawke. Une série documentaire de Franck Cuvelier, Uma Thurman, réalisée par Véronique Samouilov. Bienvenue à Gattaca. Donc, philosophie de la génétique. Du coup, c'est assez intéressant parce que normalement, si vous avez choisi de faire médecine, vous êtes plutôt des scientifiques du côté expérimental. Quoique, l'intérêt de la médecine, c'est que justement, elle se situe un petit peu à cheval entre les domaines de la science et des sciences humaines. Et vous vous demandez ce que la philosophie peut vous apporter dans votre parcours de futur médecin. Parce que, a priori, la science, vous devez avoir une idée plus ou moins implicite de ce que c'est la science. Hein. C'est ce qui permet d'éclairer, c'est ce qui permet de mieux comprendre certains des objets du monde. Mais alors, si ça, c'est l'objet de la science, l'objet de la philosophie, qu'est-ce que c'est? Ce que je vais vous proposer à travers ce cours, c'est qu'on fasse ensemble de la philosophie, qu'on réfléchisse philosophiquement à un problème scientifique, à savoir ici la question de la génétique. Alors, commençons par un exemple où, selon moi, la philosophie surgit au cœur d'un problème scientifique. Cet exemple, hein, que je vais vous projeter là, d'ici peu, c'est celui d'un film de fiction que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu. Il s'agit de Bienvenue à Gattaca. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous connaissez ce film? C'est un film de science-fiction dystopique hein, qui est censé nous projeter dans le futur. Et ce nom Gattaca est formé des quatre lettres G-A-T-C qui correspondent aux quatre bases nucléiques de l'ADN, hein, la guanine, thymine, adénine, cytosine. Et alors le synopsis du film, c'est le suivant, c'est dans un monde futuriste, les futurs parents peuvent choisir le génotype de leurs enfants. Et donc, dans cette société hautement technologique qui pratique l'eugénisme, une autre notion qu'on va étudier ensemble dans ce cours, qui pratique une forme d'eugénisme à grande échelle, les gamètes des parents sont triées et sélectionnées afin de concevoir in vitro des enfants qui vont avoir le moins de défauts et le plus d'avantages possibles pour vivre dans la société à laquelle ils appartiennent. Et donc, plus encore, les entreprises vont sélectionner, par le biais de tests ADN, leurs employés, en ne retenant, pour des postes notamment supérieurs, que les individus ayant un ADN qui aurait été présélectionné. Ceux qui n'auraient pas eu, en fait, cette présélection se retrouvent dans des emplois subalternes. Et Gattaca, donc dans cette logique entrepreneuriale, hein, Gattaca est un centre d'études et de recherche spatiale qui va pratiquer cette politique d'embauche. Hein. Et un jeune homme qui s'appelle Vincent, qui, lui, a été conçu sans recours à cette présélection génétique, rêve de devenir astronaute, donc dans cette société. Alors voilà un peu le pitch du film, hein, comme on dit. Alors, avant de revenir sur le problème scientifique qui est soulevé par ce film, je vous en passe un extrait. Alors... Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. 30 ans. Le nom sur le certificat, Anton. Non, Vincent, Anton. Voilà, l'extrait s'arrête là. Alors, donc, vous voyez déjà qu'à travers cet extrait, on est face à une question scientifique, qui est la question quand même de l'enjeu de la génétique, mais pas simplement dans l'apparition, la survenue des maladies, pas simplement dans l'apparition, la survenue de certains traits, de traits qui seraient hérités de nos parents, mais aussi dans la constitution de notre être, pas simplement comme il est à la naissance, mais de notre être en devenir, c'est-à-dire quel va être notre destin. Ce que nos traits vont être, ce que nos maladies vont être, vont un peu asséner un destin futur pour nous. Alors c'est exactement ce que j'aimerais qu'on examine un peu plus précisément dans ce cours, à savoir dans quelle mesure cette question du déterminisme génétique est toujours centrale dans la biologie. C'est-à-dire que même si on a plusieurs connaissances sur des enjeux autres ou extérieurs aux gènes ou qui viendraient s'ajouter aux gènes, ça n'a pas mis à mal complètement cette vieille idée du déterminisme génétique. Donc je voudrais examiner avec vous les raisons pour lesquelles on en est là. On ne se refait pas. Déchiffrer notre destin dans nos gènes, comme Madame Irma dans le marc de café, ça fait frissonner. Mais désormais, il y a mieux que la génétique sur le marché de la science-fiction biologique, l'épigénétique. Une branche de la génétique qui suppose que nos gènes sont influencés par notre environnement. C'est simple. Vous vivez dans un monde toxique, vous mangez mal et trop vite, la vie vous stresse, vous vous réveillez 10 fois par nuit, vous faites pas assez de sport, plus le temps de voir vos amis, le moral dans les chaussettes, vous baisez plus. Si vous êtes comme ça, croyez-en les épigénéticiens, vous allez droit vers la mise en sommeil de bons gènes et l'allumage de gènes nocifs. Enfin, c'est plus compliqué. En gros, votre génome, votre ADN ne change pas, mais il s'imprime de votre vie merdique. Alors, à vous la dépression, à vous le surpoids, le diabète, la démence, le cancer, c'est ça l'épigénétique. Philosophe des sciences à la faculté de médecine de Tours, Antonine Nikoglou tente de déboulonner faux espoirs et fausses peurs au sujet de l'épigénétique, la nouvelle star de la biologie. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué en ce qui concerne Vincent ? Vincent, rappelez-vous, c'est l'enfant qui n'a pas été sélectionné génétiquement à sa naissance. Je pense pas qu'on ait cette connaissance-là encore, savoir la date de la mort ou ça. Enfin, je pense pas. En regardant quoi ? En regardant les gènes ? Oui, mais après, il y a plein d'autres facteurs. Il y a aussi l'épigénétique, il y a plein de choses qui pourraient influer sur la date du décès. Et est-ce que vous avez l'impression que là, dans le film, il est question de ça ou il est question simplement des facteurs génétiques ? C'est le chemin de la destinée. C'est le chemin de la destinée. Oui. On a l'impression, effectivement, que ce qui nous est dit dans le film, c'est que le destin de cet individu est inscrit dans ses gènes. Donc là, lui, il n'a pas été présélectionné. Malgré tout, à sa naissance, en fait, il y a une sorte de diagnostic, pas simplement sur les potentielles maladies qu'il pourrait avoir, mais aussi sur sa destinée, hein, vous l'avez dit, sur sa vie future. D'ailleurs, donc vous dites, je ne pense pas qu'on pourrait savoir jusqu'à quel âge il peut vivre. Hein. Effectivement, il n'y a aucune étude sérieuse scientifique aujourd'hui qui dirait que grâce à la génétique, on peut savoir l'âge de la vie. Et même avec les avancées de la génétique, de la génomique, ce dont vous avez parlé, l'épigénétique, aucune analyse de ces facteurs ne nous permet de savoir quoi que ce soit sur la destinée. Alors pourquoi vous pensez que l'auteur de ce film a considéré qu'en fait, dans un futur dystopique, on pourrait être capable de parler de l'âge de la mort des individus à partir de leurs caractéristiques génétiques? C'est une crainte. C'est pas forcément la vérité, mais c'est une crainte qu'on puisse en arriver jusque-là. Et du coup, on pourrait discriminer les gens en fonction de leurs facteurs génétiques. Et puis, le point culminant, ce serait de savoir la date de mort, du coup. Si le film Gattaca, en son temps, accorde à la génétique plus de pouvoir qu'elle n'en a, l'épigénétique aujourd'hui remet un peu de science-fiction dans la biologie contemporaine. Car si notre environnement peut modifier l'expression de nos gènes, cela peut se faire à notre avantage ou nous être préjudiciable, comme le développement de tumeurs. Or, bonne nouvelle, les variations épigénétiques sont réversibles. Les gènes, c'est comme les cheveux en pétard. Un coup de peigne et hop, ça reviendrait en place. Enfin presque. C'est ce que tentent de comprendre et d'utiliser Justine Marsollier et Camille Landragin à l'Institut Curie de Paris, à la fois centre de recherche et de traitement des cancers. Justine Marsollier, Camille Landragin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici? Parce que nous, on s'intéresse à l'épigénétique et sur le titre de votre laboratoire, il y a marqué épigénétique. Donc, effectivement, notre laboratoire, on s'intéresse aux modifications de l'épigénome, et donc de l'épigénétique, dans un cancer du sein bien particulier, qui est le cancer du sein triple négatif. C'est un cancer du sein agressif, qui se guérit assez mal, qui représente entre 15 et 20% des cancers du sein. Et donc, nous, on vient voir un peu si, parmi tous ces cancers, y a des modifications épigénétiques qui vont être intéressantes et qui vont expliquer l'apparition de ce cancer ou alors la résistance de ce cancer sur les thérapies qui sont utilisées aujourd'hui, donc plutôt la chimiothérapie. Et donc du coup, avec des technologies bien particulières, on va venir suivre l'évolution des transcriptomes et des épigénomes des cellules, donc soit lors des étapes précoces de la transformation cellulaire ou alors lorsqu'une cellule est soumise à une chimiothérapie, comment est-ce qu'elle va répondre à cette chimiothérapie et le cas échéant, comment elle va résister à ce traitement de chimiothérapie. Et pour cela, on va utiliser des technologies qu'on appelle en cellule unique pour pouvoir étudier l'épigénome et le transcriptome cellule par cellule et non plus en population comme ce qui était fait auparavant. Est-ce que pour des biologistes comme vous, vous pouvez nous redonner votre définition de l'épigénétique? Alors, l'épigénétique, ça va être un ensemble de mécanismes qui vont jouer un rôle dans différents processus biologiques et qui vont être réversibles et qui vont influencer l'expression d'un gène sans toucher à la séquence de l'ADN à proprement parler. Les mécanismes épigénétiques vont toucher tout ce qui va être autour du gène sans toucher sa séquence. Moi, j'aime bien le comparer un petit peu à un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'ADN, ça va être une série de notes. Et l'épigénétique, l'épigénome en général, il va être là pour déterminer le tempo un peu de lecture des gènes. C'est ce qui va permettre, du coup, d'une cellule de peau, par exemple, qui va faire en sorte qu'elle sera très différente d'une cellule de poumon parce que les mêmes gènes ne seront pas exprimés. Et donc, l'épigénome, c'est un peu celui qui va être là pour déterminer quel gène va être lu, donc transcrit, et au contraire, quel gène va être réprimé. Donc c'est vraiment des marques activatrices et répressives de la transcription des gènes. Mais alors, en quoi l'épigénétique peut vous être utile, vous, dans vos recherches et dans la recherche d'épidrogues, c'est-à-dire de substances qui vont pouvoir intervenir et être profitables à des patients qui sont atteints de cancer du sein? Alors, ce qu'on voit, les les dernières décennies qui se sont écoulées, c'est qu'il y avait un dogme qui était que le développement tumoral était principalement conduit par des altérations génétiques, donc des modifications du génome. Et puis on voit que avec beaucoup d'études, petit à petit, en fait, il n'y a pas que ça. C'est pas suffisant. La génétique, elle peut pas tout expliquer. Et donc, du coup, on voit apparaître justement ce terme épigénétique de manière de plus en plus récurrente dans les articles scientifiques, par exemple. Et donc, comprendre ces mécanismes épigénétiques nous permet d'élaborer des nouvelles stratégies thérapeutiques. Et donc, c'est en ça que c'est important pour l'aspect clinique en cancérologie. Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de l'épigénétique en clinique et comment nos travaux de recherche en épigénétique permettent le développement de thérapies dites épigénétiques en oncologie. Comme vous le savez, l'évolution tumorale est un processus qui sont des analogues nucléosidiques, c'est-à-dire que ça va être une cytosine modifiée. Une des premières approches a été d'inhiber les enzymes qui vont venir déposer cette méthylation, donc les HMT. Ici, je vous rappelle, on va venir apporter sur notre protéine d'intérêt une ubiquitine ligase qui va induire l'ubiquitination de la protéine ciblée et sa dégradation par le protéasome. Conscient de mon niveau médiocre en chimie déjà au lycée, on aurait dû arrêter là notre conversation avec Justine et Camille, sans tenir aux généralités. Ne pas vouloir soulever le capot épigénétique. Seulement, nous aussi, on voulait comprendre. Alors on a pompé discrètement sur notre antisèche. L'ADN est un long double filament en forme d'hélice sur lequel nos gènes s'inscrivent à l'aide de quatre petites molécules appelées A, G, C, T. Nos chromosomes sont constitués de cet ADN plus quelques molécules libres, appelées groupes méthyl, avec lesquelles parfois elles se combinent. Cet accouplement, cette méthylation, favorise l'allumage ou l'extinction des gènes. En plus, comme un chromosome mesure 2 mètres de long, il est enroulé, compacté dans le noyau de chacune de nos cellules sur des petites bobines appelées histones. Trop compactés, les gènes sont inaccessibles, décompactés, ils le redeviennent. En agissant sur ces mécanismes de l'ADN, on fait varier l'expression des gènes, mais sans modifier le génome. L'épigénétique, c'est cela. Bon, alors admettons qu'on ait bien compris le dispositif, cette mécanisation. Comment vous profitez de cette mécanique épigénétique, vous, et comment vous avez l'intention d'en profiter pour essayer de trouver une solution thérapeutique au cancer du sein qui ne se guérit pas facilement? Mon projet, il concerne plus la partie résistance au traitement, c'est-à-dire comment une cellule cancéreuse va répondre dans un premier temps à un traitement anticancéreux et puis comment est-ce qu'elle va y résister. Ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, avant d'être résistante, la cellule, lors des premières étapes très très précoces de réponse au traitement, on va avoir une petite sous-population de cellules qu'on appelle les cellules tolérantes, qui vont être extrêmement plastiques. Donc, c'est-à-dire que ces cellules, lorsqu'elles sont soumises au traitement, elles vont être ce qu'on appelle quiescentes, donc c'est-à-dire qu'elles vont s'arrêter, elles vont tout stopper. On a l'impression qu'elles stoppent tout, mais en fait, à l'intérieur, elles stoppent pas du tout leur machinerie. Mais on a l'impression, si on les regarde visuellement sous un microscope, elles prolifèrent plus, elles divisent plus. Et en fait, elles vont réussir à tolérer, elles vont mettre en place des petits mécanismes pour ensuite pouvoir résister et se remettre à proliférer sous traitement. Et en fait, on s'est rendu compte que cette cellule, elle est super plastique. C'est-à-dire que tant qu'elle est soumise à la drogue, elle va être dans cet état un petit peu stoppé. On a l'impression qu'elle est stoppée. Et puis, dès qu'on va enlever la drogue, en fait, elle va revenir au départ, à son poids de départ, comme une cellule naïve de départ. En fait, cet état, cette transition phénotypique qu'on appelle entre cet état naïf et cet état tolérant au traitement anticancéreux, on s'est rendu compte en fait qu'il impliquait des mécanismes épigénétiques et plus particulièrement, on s'est intéressé à une marque d'histone qu'on dit répressive, qui s'appelle H3K27 triméthylée, c'est-à-dire qu'on va venir déposer trois groupements méthyl sur la lysine en position 27 de l'histone H3. Très compliqué. Mais cette marque, elle est connue pour être associée à la répression des gènes lorsqu'il y a un gène au niveau de la séquence d'ADN correspondante. Donc nous, on utilise les chimiothérapies qui sont utilisées en clinique réellement sur les patientes pour essayer de comprendre les mécanismes impliqués et pour pouvoir appliquer nos connaissances à des pistes thérapeutiques utilisables en clinique. Et donc on a remarqué que cette marque, en fait, elle était enlevée de manière très spécifique au niveau de certains gènes. Et ça permet l'expression des gènes correspondants. Et l'expression de ces gènes sont responsables de la tolérance des cellules au traitement de chimiothérapie. Et donc là, du coup, quand on voit ce rôle majeur de cette marque épigénétique dans ce processus, ça nous a donné l'idée de se dire, est-ce qu'on peut venir jouer sur cette méthylation d'histone? Et la réponse est oui, on a des composés pharmacologiques qui nous permettent d'empêcher cette déméthylation spécifique au niveau des gènes. Et on a remarqué, en tout cas dans nos modèles d'études, que si on empêche cette déméthylation induite par le traitement de chimiothérapie, et bien en fait on prévient l'émergence de ces cellules tolérantes. Autrement dit, en fait on induit la mort de ces cellules et donc du coup à la fin on n'a pas de cellules résistantes et donc du coup on n'a pas de tumeur. Une question qu'on se pose à propos d'épigénétique qui a émergé il y a quelques dizaines d'années à peine, enfin, qui est très popularisée depuis quelques années seulement dans le grand public. Est-ce qu'on peut parler pour vous, biologiste et chercheuse, d'une rupture, d'une révolution, d'un changement de paradigme, d'un bouleversement dans le monde de la recherche? Alors moi, par exemple, en licence, j'avais pas du tout entendu parler d'épigénétique. Et j'ai découvert le monde de l'épigénétique en arrivant en master. Et c'est vrai que mon premier cours d'épigénétique, je me suis dit « Waouh ! Ah mais c'est formidable ! En fait, on peut bouleverser beaucoup de champs de la biologie avec ce nouveau concept. Par exemple, en cancérologie, l'aspect génétique, les altérations génétiques, les mutations qui touchaient la séquence de l'ADN, était très présente. Il y avait vraiment beaucoup d'études depuis des dizaines et des dizaines d'années qui montraient que ça avait une implication, etc. Et on pensait que il y avait que ça. Puis on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'élargissement des projets de recherche que il y avait beaucoup de choses qui pouvaient pas être expliquées juste avec la génétique. Et puis est arrivée l'épigénétique, ça a commencé à être étudié et on s'est rendu compte qu'en fait non, le cancer c'est une maladie complexe qui est pas juste une maladie génétique, qui est beaucoup plus complexe comme les maladies développementales ou neurodégénératives où en fait on a à la fois cette dualité, il y a de la génétique certes, mais il y a aussi beaucoup d'épigénétique et donc c'est cet engouement d'essayer de comprendre de manière un petit peu plus précise tous ces mécanismes complexes qui je pense a créé toute cette effervescence autour de l'épigénétique ces 20, 30, 40 dernières années. Novembre 2018, j'ai commandé par internet, via une start-up, un kit permettant le séquençage de mon génome, un whole genome sequencing, que j'ai donc reçu par la poste avec un petit kit tout prêt. Et le principe est assez simple, on reçoit un colis par la poste. Il suffit de mettre un prélèvement salivaire au sein d'une petite solution stabilisante, on renvoie le tout par colis et on obtient les résultats plus tard, une fois que le labo a fait le séquençage chez nous. Extrait de la vidéo « Méfiez-vous des tests génétiques » par l'association Andi-Ra. Je suis au courant que ces tests sont interdits en France. Mais pourtant, l'idée d'avoir mon génome à portée de main pour une utilisation future, que ce soit pour des raisons philosophiques ou disons médicales, la biologie DIY, do it yourself, m'a toujours intéressé. J'ai reçu mes résultats par mail. L'objet du mail était « Your results are ready » avec un gros point d'exclamation et j'avais un lien pour cliquer et télécharger deux PDF. Dans ce fichier PDF nommé « Santé et bien-être », il y avait une checklist de maladies et de syndromes. Deux apparaissaient comme positives. La polypose adénomateuse familiale, ou PAF, une mutation du gène APC, qui se caractérise par la multiplication de polypes dans le système digestif, pour lequel il n'y a pas de traitement, une maladie très rare, une chance sur 20 000, et la seule solution, c'est l'ablation du côlon. La deuxième maladie s'appelle le syndrome de l'Ifroménie, se caractérise par une mutation du gène TP53 et multiplie les chances d'avoir un cancer. C'est une maladie très rare également, une chance sur 20 000, et la plupart du temps, les personnes ont un ou plusieurs cancers au cours de leur vie, avec plusieurs récurrences et une espérance de vie très réduite. Je passais mon temps à me renseigner sur ces différents syndromes, j'avais des angoisses nocturnes, j'avais des douleurs dorsales, on pensait qu'à ça, je sortais plus, je n'écoutais rien. 72 heures après les résultats, j'ai contacté l'Institut Curie via leur site internet. Nous avons fixé un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, ils se sont montrés un petit peu incrédules. Les chances d'avoir la PAF plus l'Ifroménie sont de l'ordre de 1 sur 400 millions. Cependant, ils ont quand même mis en place des tests confirmatoires avec deux prélèvements pour confirmer ou infirmer la véracité du test. Ils ont confirmé que je n'avais pas les mutations les plus délétères qui avaient été identifiées. Les résultats du test en ligne étaient donc faux. J'ai bien évidemment été rassuré par les résultats et j'ai grandement apprécié l'accompagnement de l'équipe de génétique de l'Institut Curie. Aujourd'hui, il existe des tests génétiques qui vont vous informer sur votre santé. Il y a un certain nombre de tests qui existent, qui sont commercialisés, où vous pouvez leur envoyer un chèque et puis en échange, ils vous envoient une petite mallette avec un test un peu comme un test Covid, où vous prélevez votre salive, vous la mettez dans une petite enveloppe et puis vous la renvoyez au laboratoire et ce laboratoire va analyser vos gènes et à partir de ces gènes va vous donner un profil de santé et va vous donner certaines informations. Et c'est typiquement, là je vous cite ce qu'on trouve dans les tests, l'étude génétique menée indique que vous avez une plus grande prédisposition que la plupart de la population à souffrir de niveaux anormaux concernant votre rythme cardiaque. Donc qu'est-ce que ça signifie? Évidemment, ça relativise par rapport à ce qui est énoncé dans le film. Ce qui est énoncé dans le film, c'est exacerbé. Alors qu'en fait, ce que ces études peuvent montrer aujourd'hui, c'est plutôt l'idée qu'il y a une probabilité qui est plus élevée que le reste de la population, mais qui n'est pas forcément significative. Les racines de la vie, 1964, Fernand Lott. Avec la découverte et la connaissance des acides nucléiques, la biologie vient d'écrire une page de l'épopée scientifique contemporaine. Cette phase de la recherche est non seulement bouleversante, mais exaltante. Demain, des perspectives insoupçonnées s'ouvriront devant les savants qui domineront de mieux en mieux les problèmes et proposeront les solutions adéquates. Destin, lorsque ta main frappe à la porte, destin. C'est fou ce que l'épigénétique semble réactiver de notre fascination pour l'avenir, de notre obsession du passé, pour notre histoire, l'histoire des nôtres et même l'histoire des autres qui nous tarabustent. Mais l'épigénétique va-t-elle faire bouger les lignes? Pas seulement la lecture des lignes de la main, mais la lecture de l'histoire avec un grand H, du grand destin de l'humanité. À qui de mieux qu'à un historien le demander? Hervé Mazurel. C'est vrai que pour nous, l'épigénétique ouvre un champ d'inconnus fascinant, mais ce qui me semble très intéressant ici, c'est la manière dont l'épigénétique finalement arrive à retisser ce qu'on a l'habitude de disjoindre, c'est-à-dire montrer comment l'environnement d'individu, l'environnement naturel, social, culturel, va avoir un impact jusque dans l'expression de ces gènes et que cette expression puisse se transformer à l'échelle d'une vie. C'est quelque chose d'assez ahurissant pour nous, même si c'est vrai qu'en histoire, aujourd'hui beaucoup plus qu'autrefois, on se méfie de notions comme celle de destin, ou on se méfie de lectures trop déterministes, tant de nos vies que de l'histoire collective en général. Par exemple, je me suis toujours méfié de l'idée d'un sens de l'histoire, d'une fin de l'histoire, de loi de l'histoire, et que, bien sûr, les individus, les acteurs historiques, doivent trouver leur chemin dans tout un tas de systèmes de contraintes. Ils habitent un des systèmes de contraintes, mais même dans les systèmes de contraintes les plus rudes, l'individu, je pense à l'esclavage, ou même dans la domination sociale que subissaient les ouvriers dans les usines du 19e siècle, ils trouvaient malgré tout une part de liberté dans ce système de contraintes-là. Et là, ce que nous apprend l'épigénétique, c'est quoi? En quelque sorte, ils apprennent un peu à défataliser notre trajectoire individuelle. Et ça fait écho aussi à notre désir, à nous, historiens, de défataliser l'histoire. C'est-à-dire de pouvoir aussi écrire l'histoire avec des si, ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle ou le raisonnement contrefactuel. Pour essayer d'expliquer ce qui a été, nous sommes obligés de réfléchir à ce qui aurait pu être. Voilà, et donc à réfléchir sur la notion de possible. Voilà, c'est ce que Quentin de Luyamoz et Pierre Saint-Garrivillou ont proposé aux historiens, de réfléchir davantage à l'histoire contrefactuelle, l'histoire avec des si. Néanmoins, l'épigénétique, bien sûr, les transformations dont on parle sont des transformations infraconscientes. nous n'avons aucune idée. Donc c'est quelque chose qui se passe à notre insu, complètement. Mais c'est tellement neuf qu'on a du mal encore à en percevoir toutes les conséquences potentielles pour un discours historique comme le mien. Tout chagrin, tout s'envole, c'est le destin. Ce qui me paraît très intéressant dans l'épigénétique, c'est d'abord qu'elle nous oblige à penser tout sous l'angle du devenir. Hein, du devenir, c'est-à-dire que l'épigénétique nous enseigne finalement que tout devient, hein, et que même l'expression de nos gènes est prise dans un devenir, hein, que nous ignorons, mais qui est pourtant bien là, et que nos vies en dépendent. Et je crois qu'au fond, en réalité, tout est pris dans des processus. Là où nous aimons penser des structures stables et permanentes, en fait, tout est pris dans des processus bien souvent sans commencement ni fin, sans fin, et à toutes les échelles. Notre univers est en expansion, les espèces se transforment elles aussi, nous subissons des processus socio-historiques au long cours dont nous n'avons pas toujours conscience, mais la construction de l'État, les mondialisations successives, l'interdépendance croissante des économies entre elles, la division sociale du travail, les processus de civilisation des mœurs. Vous voyez, tous des processus qui nous traversent sans que nous en ayons conscience. Et puis, une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup, nos économies affectives et psychiques elles-mêmes se transforment en corrélation étroite avec l'évolution des mœurs, avec les transformations des structures sociales, l'évolution de l'organisation des systèmes politiques. Donc je crois qu'il faut penser tout en mouvement, en flux, en devenir. Et que de ce point de vue, je suis plutôt attiré, hein, même si je la connais mal encore, par l'épigénétique et par ce qu'elle propose. Good morning. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. L'achèvement de la première étude de séquençage. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced. La plus importante carte réalisée par l'humanité. Nouveau pouvoir immense de guérison. Immense impact sur nos vies. Des coups de foudre scientifiques, des emballements thérapeutiques, il y en a eu plein. La pénicilline qui allait tout éradiquer, les hormones au pouvoir miraculeux, les nanoparticules ciblant nos cellules, à chaque fois, on y croit. Mais pour le séquençage de l'ADN du génome humain, c'est carrément Bill Clinton qui annonce en Mondiovision que ça y est, on vient rien de moins que de « decoding the book of life », décoder le livre de la vie, et que c'est une milestone for humanity, un jalon de l'humanité. L'emballement pour la génétique aurait naturellement ruisselé sur l'épigénétique. Les jeunes tombent toujours amoureux. Les gens se battront encore pour des choses. Constateront tous l'incroyable capacité de l'humanité à s'ennoblir. Moi, paradoxalement, en fait, cet emballement, je le ferais pas remonter aux découvertes autour de l'épigénétique. Je le ferais remonter au projet génome humain dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qui a été amorcé dans les années 1980. Et au projet génome humain et à ses déceptions. C'est-à-dire que même si, dans les années 1980, les scientifiques savaient qu'ils n'allaient pas trouver tous les remèdes à toutes les maladies en séquençant le génome humain, ils pensaient quand même qu'il allait avoir un certain nombre de révélations. Il y a eu premier type de déception, c'était le nombre de gènes, c'était le fait de se dire que l'être humain n'avait pas beaucoup plus de gènes que le ver nématode, on était sensiblement comparables, voire même que certains organismes qui semblaient inférieurs à l'être humain avaient plus de gènes que l'être humain. Donc quand on a commencé à voir que potentiellement il y avait d'autres mécanismes responsables de l'expression des gènes, forcément ça a créé une sorte de sursaut dans la possibilité quand même d'analyser à l'échelle microscopique, moléculaire, ce qui se passait dans le vivant et de comprendre des choses qui n'avaient pas été révélées par ce qu'on attendait, par quand même tout l'argent qu'on avait investi pour essayer de séquencer, pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'échelle moléculaire. Mais pour moi, l'engouement, l'emballement, ce ne sont pas forcément des choses qui sont du ressort de la science. C'est-à-dire qu'on attendait des révélations, une compréhension majeure des maladies, de la cause des maladies. On espérait comme ça qu'on allait pouvoir trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Et finalement, ces espoirs ont été déçus. Pourtant, les scientifiques ont continué leurs recherches. Et donc, c'est en examinant tout ce qui se situait dans le génome, au-delà des gènes, dans cette machinerie processuelle dynamique, que les scientifiques se sont rendus compte de l'importance de facteurs qu'ils ont qualifiés de facteurs épigénétiques. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu une révolution, au sens où on s'est dit, peut-être il n'y a pas dans ces mécanismes moléculaires que les gènes, comme on l'avait pensé longtemps, ou que les mécanismes propres aux gènes, mais des mécanismes autres qui vont avoir une importance. Vous me demandez dans quelle mesure la nature d'un homme est déterminée par son hérédité. Il n'y a pas de criminel né. Jean Rostand, 1964. Mais on peut penser que certaines conditions héréditaires, c'est-à-dire les gènes présents dans les chromosomes, les hormones qui circulent dans le sang et qui sont souvent elles-mêmes en rapport avec les gènes, on peut penser que ces conditions prédisposent un individu à commettre des actes criminels. Ce qui ne veut pas dire, insistons-y, que la tendance au crime était inscrite dans ses gènes comme une nécessité, comme une fatalité, mais simplement que sa personnalité génétique était telle que sous l'influence des conditions de milieu très complexes où il a vécu, il devait être amené à commettre cet acte criminel. En bref, le biologiste ne peut pas faire autrement que de noter que dans toute conduite criminelle, comme dans toute autre conduite humaine, il entre une composante génétique. Pour un biologiste, tout ceci est l'évidence même. Si on regarde scientifiquement, c'est quoi le bouleversement qui est apporté par l'épigénétique ? C'est que, alors ça fait encore l'objet de polémiques chez les biologistes, mais on pouvait envisager que l'hérédité ne se faisait pas que par le biais de la lignée germinale, que l'hérédité ne se faisait pas que par le biais des gènes, mais qu'il pourrait y avoir d'autres formes d'hérédité dans la nature, et notamment une forme d'hérédité épigénétique. C'est ce que beaucoup c'est ce sur quoi beaucoup de biologistes travaillent et s'interrogent, même si ça fait l'objet de polémiques. Et la raison pour laquelle ça fait l'objet de polémiques, c'est parce que ça renvoie justement à l'idée qui a été décriée pendant très, très longtemps, celle du lamarckisme, de l'hérédité des caractères acquis. L'idée que simplement, parce que on aurait adopté une pratique pendant la vie, ça aurait influencé quelque chose dans notre constitution et que cette transformation générée chez nous individuellement pour être transmise aux générations ultérieures. Et donc ça, c'est quelque chose qui, avec Darwin, était envisagé dans la suite du darwinisme, parce que Darwin n'avait pas une théorie de l'hérédité à proprement parler, mais en tout cas, la manière dont ça a été interprété par la suite a été de dire que c'était impossible d'envisager les choses de cette manière-là, c'est-à-dire que c'était impossible d'envisager l'hérédité des caractères acquis. Donc ça, c'est un premier aspect. Ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi est-ce que l'inné et l'acquis sont, enfin, cette distinction entre l'inné et l'acquis sont profondément modifiées par l'épigénétique. Alors, cette distinction entre l'inné et l'acquis, on la doit à Francis Galton. Francis Galton, c'est une figure aussi qui est restée célèbre dans l'histoire de la biologie et notamment dans l'histoire de la génétique, parce qu'il est considéré comme le fondateur, le père de l'eugénisme. Une vision assez radicale, selon laquelle justement il fallait avoir des attitudes étatiques pour préserver la race et notamment éviter la dégénérescence des races. Et ça s'appuyait sur une division, une distinction très nette entre l'inné et l'acquis. Et là où l'épigénétique va venir contredire la vision de Galton, c'est que l'épigénétique, en fait, casse cette barrière entre l'inné et l'acquis en montrant que certains éléments qui peuvent venir de l'environnement vont potentiellement être transmis à la génération suivante. Et donc, ce qui nous paraissait comme une barrière irrésoluble entre l'inné et l'acquis, se retrouve en réalité beaucoup plus labile et une communication est possible entre les deux. Donc l'épigénétique laisse entendre qu'en fait, on devrait non pas distinguer l'inné et l'acquis, mais plutôt essayer de comprendre les interactions qui existent entre les deux et avoir une nouvelle lecture de la biologie à travers ces interactions. Oui, au fond, ceux qui s'expriment encore, c'est notre foi inconsidérée parfois dans le pouvoir des sciences. Au fond, je crois que dans l'enthousiasme apparemment très, très contagieux qu'il y a à l'égard de l'épigénétique, se dit encore notre croyance fondamentale dans le pouvoir de nos sciences de trouver des solutions durables aux catastrophes annoncées. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas seulement, les jeunes générations le savent, nous ne vivons pas seulement une crise du futur, une crise qui serait liée à l'opacité du futur, à l'incapacité de nous projeter dans le futur. C'est peut-être encore bien plus l'inéluctabilité annoncée de la catastrophe écologique qui devient invivable pour nous. Alors est-ce que justement l'épigénétique ne serait pas aussi une façon pour nous, et notamment tout ce qu'elle est en train de faire autour des plantes, le moyen pour nous de trouver un peu d'air dans cet horizon d'attente qui est au fond fermé et qui est invivable, dans lequel on étouffe littéralement. Irène, ne me touche pas. Écoute-moi, Irène. Je ne sais même pas qui tu es. Je suis un enfant de la Providence ou un dégénéré, n'importe quoi, appelle ça comme tu voudras. Mais je ne suis pas un meurtrier. Ce n'est pas possible. As-tu le pouvoir de juger ce qui n'est pas possible? Hein, Irène? On t'a tellement appris à rechercher la moindre imperfection que tu en es arrivé à ne plus voir que ça. Je suis là pour te dire que c'est possible. C'est possible. La conséquence de cette capacité à subir notre environnement ou à agir sur nous-mêmes qui va nous modifier et que ces modifications pour le bien ou pour le mal va être transmissible à notre descendance. Est-ce que ça ne nous met pas devant un certain nombre de problèmes éthiques? Est-ce que ça ne nous met pas devant des responsabilités en tant qu'être humain ou en tant que société pour des politiques sociales? En fait, l'épigénétique viendrait justifier, responsabiliser les gens au cours de leur propre vie. Alors, il y a des conséquences éthiques, mais... C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des découvertes en épigénétique qu'il faudrait ou il ne faudrait pas plus responsabiliser les individus. Pour moi, c'est deux choses indépendantes. Au contraire, à la limite, les avancées en épigénétique devraient nous amener à être plus modérés sur cette volonté de responsabilisation en rejetant toujours soit sur l'inné, soit sur l'acquis, en montrant que l'épigénétique permet de rebattre les cartes et de nous dire c'est pas comme ça qu'il faut concevoir le vivant dans cette espèce de dichotomie, et donc ça ne fait pas de sens de vouloir dire d'un côté soit faites attention à votre caractère biologique ou de l'autre côté faites attention à votre environnement. En fait, le hasard est toujours présent. Et les seules possibilités de variation, c'est les variations que nous, on peut faire dans notre environnement. Donc, c'est des variations qui relèvent, je dirais, de politique, qui relèvent de vie en communauté et pas de démarche individuelle. Et d'une certaine façon, ce que j'ai dit à l'instant aussi sur le rapport à la théorie de l'évolution, qui est centrale dans ce rapport à l'épigénétique, montre bien que ce n'est pas des questions qui peuvent être analysées au niveau individuel, c'est des choses qui ne peuvent être prises en compte qu'à l'échelle populationnelle. C'est un petit vortex, et ça nous permet de bien mélanger, d'être sûr que tous nos composants soient bien mélangés dans le tube. Ça, c'est sûr que c'est la question. Est-ce que tous les cancers qu'on met au jour aujourd'hui, il y en a plus qu'avant parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de prévention et qu'on identifie beaucoup plus tous ces cancers? Ou alors, est-ce que, pour le coup, vraiment, on a une plus grande proportion de la population aujourd'hui qui sont sujets au cancer? Ça, c'est vrai que c'est, on peut pas trop savoir, puisqu'on n'a pas les mêmes données il y a 50 ans que les données qu'on a aujourd'hui. Maintenant, en étudiant l'épigénome, je sais pas, peut-être que oui, on va pouvoir se rendre compte aussi entre les épigénomes qu'on étudiait il y a quelques années et ceux dans 10-15 ans, on va pouvoir peut-être effectivement mettre en lumière des modifications qui sont dues à nos facteurs environnementaux. Après, faire le lien, c'est toujours très compliqué. Encore une fois, on est en biologie, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Que faire un lien de causalité précise entre fumer, rien qu'entre le fait de fumer et avoir un cancer, déjà c'est compliqué. Donc faire le lien entre la nourriture de ce qu'on a mangé et l'apparition d'une tumeur ou pas, c'est sûr que c'est des choses qui sont très compliquées, mais du coup je pense que c'est en amassant le maximum de données possibles, de données précises sur l'épigénome qu'on va pouvoir cartographier précisément au fil du temps. Ça induit aussi un petit peu du stress, parce que par exemple, il y a des études qui commencent à montrer que ce à quoi la maman va être exposée ou ingérée en termes de nutrition au cours de sa grossesse va pouvoir influencer le développement déjà général de l'embryon et puis après potentiellement à l'âge adulte, le développement de certaines pathologies. Donc du coup, ça peut aussi créer un espèce de stress comme ça, de se dire, en fait, tout ce que je fais, ça peut avoir des influences sur le futur de mon enfant, par exemple. Et donc du coup... Voilà, je pense qu'il faut faire aussi un petit peu attention de ne pas essayer de tout expliquer par l'épigénétique pour ne pas créer une dépression généralisée de la population. Franck. Morgane, enchantée. Bonjour. Donc Morgane est vraiment la chef de la zone de l'hydrothérapie. Alors normalement, un enveloppement se fait donc bien sûr avec un client qu'on va recouvrir de cette pâte d'algues et de boue marine. On va appliquer les algues ou les boues sur le curiste. On va aussi rajouter une feuille de fécule de pomme de terre là, qui va vraiment enrober la personne. C'est le soin reminéralisant par excellence, l'enveloppement d'algues. Donc on va suivre Morgane. Allez, à tout de suite. Les questions complexes, Serge Fourcade les laisse aux sciences dures. À lui, les réponses simples proposées aux curistes sous le label d'une cure épigénétique. Je vais vous laisser vous allonger. Une nouveauté au catalogue du centre de thalassothérapie, dans lequel, pour les besoins de l'enquête, nous avons déambulé quelques jours en claquettes de bain et peignoir brodé. On va lever légèrement le bras, je vais vous en mettre en dessous, c'est très bien. Donc là, j'en applique vraiment sur l'ensemble du corps. J'étale bien au niveau du dos. Hop. Voilà. Et je vous abaisse le matelas tout de suite. Ça va faire un claquement. Ne soyez pas surprise surtout. À tout à l'heure. J'ai envie de vous taquiner, Serge. Serge, tout à la fois hydrothérapeute, formé au shiatsu, en médecine chinoise et en médecine ayurvédique, bouddhiste déclaré, pratiquant en méditation de pleine conscience et formé à la gestion du stress, Serge, 30 ans de thalasso, nous voit arriver de loin avec notre sourire en coin. Est-ce que vous n'avez pas transformé, parce que quand même, un centre de thalassothérapie, c'est aussi... C'est aussi une formidable machine marketing pour transformer le bord de mer en soins. Formidable. Je vais transformer le bord de mer en hôpital de jour. Donc vous avez fait le marketing de la mer. Est-ce que là, vous n'essayez pas de faire avec l'épigénétique, finalement, le marketing d'une discipline nouvelle qui fait un peu rêver parce que qui semblerait nous faire échapper à notre destin génétique. Et hop, vous l'avez mis à la sauce thalassothérapie pour en faire un bel objet marketing qui coûte 30% plus cher qu'une autre cure. Moi, ce qui m'intéressait et ce qui nous intéresse qu'on a mis ça en place, c'est vraiment de dire aujourd'hui, la prévention santé... elle a du mal à être abordée dans le domaine médical pur parce que tout simplement, ils ont rarement le temps, rarement les moyens de se consacrer à ça. forcé de reconnaître quand vous allez voir votre médecin généraliste, eh bien, il peut vous consacrer un quart d'heure, 20 minutes, mais des fois, il ne peut pas plus. À quel moment le monde médical prend le temps de s'occuper de la prévention santé? Je crois que nous étions, il y a encore 5 ans de ça, à 1% du budget du ministère de la Santé consacré à la prévention santé. Donc, pourquoi ne serions-nous pas légitimes à porter ces principes-là? Aujourd'hui, on sait que parce qu'on va modifier notre style de vie, on va pouvoir agir sur notre prévention santé. Pourquoi, dans un établissement comme le nôtre, où nous avons des gens qui peuvent gérer le stress, vous aider dans votre alimentation, vous aider dans votre activité physique, pourquoi nous ne serions pas légitimes, nous, à porter ça? Et que je sache, effectivement, ça a un prix, mais aujourd'hui, la médecine, elle a un prix, elle a un coût. C'est pas parce que la sécurité sociale vous rembourse une partie qu'à un moment donné, on l'a pas payée, et tout travail mérite rétribution. Alors pourquoi nous ne pourrions pas défendre cet aspect-là? Tout va bien, madame? Votre soin se passe bien? Le scientifique a besoin, pour pouvoir faire ses recherches, d'emporter l'adhésion dans la société. Donc pour emporter cette adhésion, il va faire la promotion, comme il le peut, de ses découvertes. Il va essayer de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et ce faisant, il va parfois dire des choses qui sont un peu erronées par rapport à la science elle-même telle qu'elle se fait, pour les simplifier, pour le rendre plus familier. Après, il peut y avoir toutes sortes de prédateurs, je dirais, qui vont s'emparer de ces informations. Et en s'emparant de ces informations, bah, ils vont trouver le moyen de faire de l'argent, de détourner finalement ces informations. Cette fois-ci, la prochaine fois, ça sera autre chose. Mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait quelque chose de sérieux derrière ça. Je peux comprendre qu'effectivement, le fait d'avoir mis cure épigénétique peut faire bondir certaines personnes. Mais on n'est pas arrivé en disant on va utiliser le terme épigénétique, mais derrière, il va y avoir une coquille creuse. Et on ne dit pas à nos curistes qu'on va changer leur épigénétique en une semaine. On leur dit juste, vous avez le pouvoir d'être acteur de votre santé, on va vous donner certaines clés à vous d'en faire cette fameuse symphonie, ou plutôt une cacophonie si vous jouez mal votre partition. C'est uniquement ça qu'on dit. Mais je trouve que parce que nous avons des professionnels sous un même toit, nous sommes complètement légitimes de porter les progrès de la science. Et puis si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On garde tout sous une bulle, c'est-à-dire que les scientifiques continuent à s'extaser sur ce qu'ils ont découvert, mais jamais ça vient au grand public, ou alors à travers de la librairie que très peu vont acheter parce que pas forcément enclins à aller chercher dans ce domaine-là. Ça fait 20 ans maintenant que les chercheurs ont découvert des choses. Pourquoi on ne le rend pas accessible? Et toujours en restant à notre place. Hein, encore une fois, on ne dit pas aux gens qu'on change leur ADN ou quoi que ce soit. On leur dit juste, vous avez un héritage génétique et ces gènes peuvent s'exprimer ou se réprimer suivant ce que vous faites au quotidien dans votre vie. C'est uniquement le message que l'on passe et on les accompagne. C'est pour ça que je pense qu'on est tout à fait légitime dans ce que nous faisons. Le gros problème pour moi, c'est quand même d'associer l'idée d'épigénétique à une conception individuelle. On ne peut jamais concevoir ce rapport à la biologie dans une approche purement ou simplement individuelle. Et donc, la question de l'épigénétique ne fait de sens que à l'échelle d'une population. Donc, toute action qui serait simplement limitée à l'échelle des individus est erronée par rapport à ce qu'est soit la génétique, soit l'épigénétique. Et c'est pour ça que les seules mesures qui, à la limite, peuvent être significatives, c'est des mesures à l'échelle populationnelle, donc soit les décisions de société, de santé publique, mais toute démarche individuelle va rester potentiellement sans incidence, en tout cas sans beaucoup plus d'incidence que quand on parlait dans les années 60-70 de « faites attention à votre environnement ». On peut pas faire attention à son environnement, ça dépend pas de nous individuellement. De la même manière, on peut pas faire attention à son épigénétique, ça dépend pas de nous individuellement. C'est des choses qui dépassent justement l'individu et qui sont à prendre en compte dans un contexte environnemental beaucoup plus global. On accélère avec les bras dans l'eau, allez. Lorsque ta main frappe à la porte, destin, sur le chemin tu nous emportes. Un jour monotone, tu fais le beau temps. Aujourd'hui l'automne, demain le printemps. Destin. C'était Change ton destin. Épigénétique quand l'ADN fait son intéressant. Avec Antonine Nicoglou, Justine Marsollier, Camille Landragin, Serge Fourcade, Hervé Mazurel. Encore. Remerciements, Mélanie Hamon, Céline Vallot et son équipe. Stagiaire Malo Toquet, documentaliste Ina, Delphine André. Comme la nuit succède au jour. Prise de son Romain Lukiens, Alix Barrois, Pierre Henry. Mixage Benjamin Vignal. Lorsque ta main frappe à la porte. Attaché de production Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervran. Une série documentaire de Franck Cuvelier réalisée par Véronique Samouilov. Tu fais le beau temps. Aujourd'hui l'automne. Demain le printemps. Destin, est-ce l'amour que tu m'apportes? Ou bien est-ce un bonheur sans lendemain? Joie frivole, jour de chagrin. Oh, love.